Radiomatic. pour amorcer la transmission 497 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter l'artiste britannique Martin Jenkins, qui œuvre sous le pseudonyme de Pie Corner Audio. De son plus récent album The Endless Echo, paru le 8 avril 2024, il nous interprétait la pièce Counting the Hours. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste américaine Anna Wu d'assurer la continuité à Audiomatic. Do Nous avions droit à Audiomatic au groupe américain Animals as Leaders de son quatrième album The Madness of Many, lancé en 2016. Nous vous avons présenté la pièce Transcendence. Précédemment à Animals as Leaders, il s'agissait de la formation anglaise Nubian Twist. Elle nous offrait la pièce titre de son quatrième album Find Your Flame, qui est sorti le 3 mai 2024. Et pour débuter ce segment musical, nous entendions l'artiste américaine d'origine vietnamienne et coréenne, Anna Vu, de son plus récent album, Romanticism, paru le 3 mai 2024. Nous vous présentions la chanson Find Me Under Wilted Trees. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe anglais Broadcast. Shh. C'était à Audiomatique l'artiste nigérien Mdou Mokhtar de son plus récent album studio lancé le 3 mai 2024 et intitulé Funeral for Justice. Nous écoutions la pièce Susume Tamacek. Tout juste avant Mdou Mokhtar, nous avions droit au groupe anglais A Certain Ratio de son 13e album studio It All Comes Down to This. Nous vous avons offert la chanson « Bitten by a Lizard ». Et en premier lieu, nous vous avons fait entendre la musique de la formation anglaise « Broadcast » de la compilation « Spell Blanket Collected Demos 2006-2009 » qui regroupe bien sûr des pièces démo de « Broadcast » pour la période de 2006 à 2009. Nous avons choisi de diffuser la chanson « The Games You Play ». Mentionnons qu'avec la mort de la chanteuse Trish Keenan en 2011, le groupe a annoncé que le prochain album « Distant Call Collected Demos 2000-2006 » qui devrait paraître le 28 septembre 2024, serait le dernier album de « Broadcast ». À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la chanteuse américaine Suzanne Vega. Each other, they know what they mean. Somewhere their future is still yet to come, in ways that are yet as of now unforeseen. Thank you. Ce bloc musical à Audiomatique se terminait avec le quatuor suédois Göran Kajfesh Tropic, de son plus récent album studio sorti le 3 mai 2024 et intitulé Tell Us. Nous avons découvert sa composition magmatique. Et en amorce de séquence, vous avez peut-être reconnu Suzanne Vega, de qui nous entendions la chanson-titre de son album Songs in Red and Grey, paru en 2001. En conclusion de cette transmission 497 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de l'artiste anglais Paul Osborne et son projet Project Gemini. De son deuxième album Colors and Light, lancé le 5 avril 2024, nous entendrons la chanson Entre chien et loup, à laquelle participe la chanteuse française Wendy Martinez. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Project Gemini, accompagné par Wendy Martinez et la chanson Entre chien et loup. C'était Audiomatique avec les sonoristes.